بسم الله الرحمن الرحيم. نحن في كتاب الفقه dans le livre de la jurisprudence في باب الطهارة dans le chapitre de la purification. في الدرس الخامس والتسعين 95e leçon. قال المؤلف حفظه الله تعالى في سؤال السبعين بعد سبعمية 770e question. ما حكم الصلاة بغير الوضوء؟ Quel est le jugement de la salat sans wudu, ce qu'on appelle les ablutions. Salat ba'atila, la salat elle est invalide. Elle n'est pas acceptée auprès d'Allah Azza wa Jal, car cette ablution, ces ablutions sont parmi les piliers, ou plutôt les conditions, afwan, les conditions de la salat, d'être en état de purification. Et le dalil sur le hadith d'Abu Huraira, an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, qala, laqbalullahu salat ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda. Que Allah Azza wa Jal n'accepte pas la salat de l'entre vous, si jamais il en est en impureté, jusqu'à ce que il fasse ses ablutions. Et le hadith est muttafaqun alayhi. ثم قال في سؤال الواحد وسبعين بعد سبعمية 771e question. واذكر حديثا في فضل الوضوء. Cite un hadith citant les mérites des ablutions. Hadith Abu Huraira, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع أخيه كتر الماء أو قطر الماء. Il a dit, si jamais le serviteur musulman ou croyant, c'est prouve que le kafir, ce n'est pas accepté de lui, vient se laver le visage, c'est-à-dire quand il fait l'eau, sortira de son visage toute faute qu'il aura commis, c'est-à-dire par ses yeux, par le regard, avec l'eau ou avec la dernière goutte d'eau. C'est-à-dire cela enlève les péchés. فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ يَبْتُشُهَا وَبَتَشَتَهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ أَخِي الْقَطْرِ الْمَاءِ. Que si jamais il se lave les deux mains, et ce qu'on appelle les deux mains, c'est les avant-bras, jusqu'au coude, que chaque chose qu'il aura touché avec ses mains comme faute, comme péché, cela lui sera pardonné, et cela partira avec l'eau ou avec la dernière goutte d'eau. Et là, on parle, une fois de plus, des petits péchés. فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَسَحَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ أَخِي الْقَطْرِ الْمَاءِ. Et il dit, si il lave ses jambes, et là c'est les pieds en fait, plutôt à fond, les pieds jusqu'aux chevilles, il dit que toutes les fautes qu'il aura commises en marchant par ses pieds lui seront effacées. Elles partiront avec l'eau ou avec la dernière goutte d'eau. Hatta yakhruja naqiyan min adh-dhunub. À tel point qu'il en sortira, purifié de tout péché, apporté par musulman. Donc le wudu, comme vous le savez, comme vous le voyez, est une cause qui expie les fautes, les petits péchés. Et bien évidemment, quand il est fait, selon la sunna, de façon conforme. ثم قال في سؤال الثاني والسبعين بعد سبعمية 772e question. اذكر كيفية الوضوء باختصار. Cite comment on fait les ablutions de façon résumée. قال, en premier lieu, on nomme Allah Azza wa Jal, on dit Bismillah. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est préférable. ثم يغسل يغسل كفيه إلى الرخسين الوسخين عفوا ثلاث مرات. Ensuite, il lave ses deux mains jusqu'au poignet, trois fois. Et ça également, cela peut être obligatoire lorsque c'est au réveil, avec la main droite. Sans quoi, cela n'est pas parmi les obligations des ablutions. Après, il prend de l'eau, une pointe puisée d'eau, qu'il aspire par la bouche et par le nez, et qu'il recrache par sa bouche et par son nez, et cela trois fois. D'accord, trois fois. Et le minimum à faire, ça peut être deux fois. Et il y a un khilaf par rapport à une fois. Après, il lave son visage trois fois. D'accord ? Trois fois. Ensuite, il lave ses mains, c'est-à-dire tout ce qui est avant-bras, jusqu'au coude, trois fois également. Ça, c'est le maximum. On peut faire deux, on peut faire une fois. Après, il essuie sa tête, en partant de son front jusque vers sa nuque. Avec ses deux mains, une seule fois. Pas plus. Ensuite, il lave ses pieds jusqu'aux chevilles, trois fois. Et ça peut être deux fois également et une fois également. قال والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Dans le sens où Allah dit, vous qui avez cru, lorsque vous voulez accomplir la salat, alors lavez vos visages ainsi que vos mains jusqu'aux coudes et essuyez vos têtes et vos pieds jusqu'aux chevilles. Là, ce sont les choses qui sont obligatoires à faire dans les ablutions. Naam. ثم ذكر حديث عثمان ابن عفان كي لو بلوس اوثنتيك دي حديث سو الوضوء. دعا بوضوء فافرغ على يدي من انائه كي لا دوموندي كون لو امن دو لو بو فار سو بوريفي اي كي فيرسا لو سو سي دو مان. فغسلهما ثلاث مرات puis lavasse deux mains trois fois. ثم ادخل يمينه في الوضوء en plus puis rentre sa main droite dans cette eau là. ثم تمضمض واستنشق واستنثر puis avec cette main droite il a pris une puisée d'eau par laquelle il a aspiré l'eau dans sa bouche dans son nez, c'est-à-dire en une seule fois, puis il a tout recraché par sa bouche par son nez également, c'est-à-dire avec une seule main, d'accord. Il a fait cela trois fois. ثم غسل وجهه ثلاثا puis il a lavé son visage trois fois. ويديه إلى المرفقين ثلاثا puis ses avant-bras jusqu'au coude trois fois. ثم مسح برأسه puis il essuya sa tête et cela une seule fois. ثم غسل كل رجل ثلاثا puis il lava ses deux pieds jusqu'aux chevilles trois fois. ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوءه هذا. Il a dit j'ai vu le Nabi صلى الله عليه وسلم faire ses ablutions de cette façon là approximativement. وقال et qu'il a dit صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوءه هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله ما تقدم من ذنبه. Il a dit celui qui fait l'ozo comme cela puis il fait deux rakat durant lesquelles il n'a aucune idée en c'est-à-dire qu'il est concentré purement, qu'il n'y a rien qui le détourne en se parlant lui-même au fond de lui, je crois qu'on dirait comme ça, qu'Allah lui pardonnera tout ce qu'il a fait comme péché auparavant. Muttafaqun alayhi. Wa qala fi sawal al-thalith wa sab'in wa bar 700. 773e question. Il ayn tablughu hilyat min al-mu'min. Jusqu'où a atteint la parure du croyant, c'est-à-dire ce qui fait l'ozo. Cette parure atteint là où atteint ses ablutions. كما قال حديث كما قال أبو هريرة في حديث قال سمعت خليل يقول تبلغ حلية المؤمن من حيث يبلغ الوضوء que la période du musulman atteint là où se finissent ses ablutions apportées par musulman. ثم قال في حديث أو في السؤال الإعرابي 774e question كيف يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أمته يوم القيامة. Comment est-ce que le prophète صلى الله عليه وسلم va reconnaître sa communauté le jour de la résurrection. Orra al-muhajjirin min athar al-wudu, qu'ils seront illuminés par justement les traces des ablutions. Comme dans le hadith d'Abu Hurayra, qara inni sami'tu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yaqul inna ummati yud'auna yawm al-qiyamah orra al-muhajjirin min athar al-wudu. Faman istata'a minkum an yutila urratahu falyaf'al. Qu'il a dit que le Nabi sallam a dit ma communauté seront appelés le jour de la résurrection, ils seront reconnaissables justement par cette lumière. C'est-à-dire comme une tache blanche qu'il y a sur le fond du cheval, elles seront illuminées sur les parties par lesquelles ils font leurs ablutions. Et quand donc celui qui peut agrandir justement sa lumière, qu'il le fasse. Et le hadith muttafaqun alayhi. Naam. Fa hadha alladhi aradna al-yawm bi hadha ad-dars. Donc on s'arrête là. Walhamdulillah bil alamin.